Ici Pierre-Luc. Ici Yannick de Trois-Bières. Et on vous fait écouter, pas de problème. Ici Yannick. Et Pierre-Luc. De Trois-Bières. Ils ont un problème. Ah, c'est vrai. Ici Yannick de Trois-Bières. Ici Pierre-Luc de Trois-Bières aussi. Vous avez un problème. Ils ont un podcast. Vous avez un problème, nous avons un podcast! Les gars, faites pas la musique! C'est pas nous! Parce que j'en rajoute par la suite. C'est pas nous! C'est Sophie qui fait toutes les voix. Et oui, cette semaine, nous recevons comédienne, improvisatrice, la reine de la LNI et de 4 saisons. Alors, Sophie Caron est avec nous. Oh là là. Sophie Caron, on t'a vu dernièrement dans 19-2. Oui. Tu pitchais des affaires à Claude Legault. Des boîtes de conserve d'en face à Claude Legault. J'ai pitché une boîte de Kraft Dinner en plein d'en face. J'ai fait mal, hein? Oui, j'ai fait mal au petit doigt. Excellent. Le petit doigt tout enflé. Oui, ben il était temps grave, que là. Quelqu'un s'en charge. Ben c'est ça, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse, c'est moi. C'est moi qui ne fais pas peur. Alors, Sophie Caron est avec nous. Monsieur Martin Boily. Oui, salut Frédéric, salut Sophie. Salut Martin. Et Mathieu Bouillon. Bonsoir. Bonsoir, mes âmes sœurs. Oh mon Dieu. Les gens m'applaudissent comme si c'était Kramer. Alors, ben oui, c'est un peu ça. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que c'est? Pas de problème. Martin, ça t'entend-tu? J'ai jamais fait ça, je pourrais pas le dire. Ouais, je pense que t'es capable. C'est vrai? Ah oui. Fais-toi confiance, hey, Martin. Je pense juste aux mauvaises blagues que Mathieu fait à chaque fois. Ben, c'est pas des blagues. Genre, pas de problème, c'est la balado-diffusion la plus populaire de tes amis. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire. Hey, non, mais pour vrai, pas de problème, c'est un podcast. Vous nous soumettez vos problèmes via Internet et puis nous tentons... J'ai encore de la misère à m'inclure là-dedans parce que je suis pour ceux qui se joignent au podcast, je suis tout nouveau là-dedans. Moi, c'est mon cinquième, mon sixième. Et nous tentons de répondre à vos problèmes en trouvant des solutions de toutes sortes. Oui. Est-ce que j'ai bien résumé? C'était parfait, c'est Martin. Incroyable. Et Martin, tu fais partie de notre deuxième chapitre de podcast de Pas de problème. C'est-à-dire, à chaque semaine, on enregistre. Mais en fait, à chaque mois, les deuxièmes mardis du mois, devant public, venez en grand nombre. Et surtout pas pour Vision Montréal, qui est juste avant nous, en première partie. Non, mais à chaque semaine. Et c'est gratuit! Il faut avoir 18 ans! Pardonnez-moi ça! Wow! C'est chaud! Hey, tu l'as bien eu, là. Merci. Pocketville! Alors! Mon imitation. Oui, c'est, je suis parti, là. C'est Philippe Lagu. Non! Donc! Bienvenue à la semaine prochaine! Non, mais. Non, sans face. À chaque deuxième mardi du mois. Le prochain est le 11 juin. Marquez ça à l'agenda. Et en plus, c'est mon anniversaire. Oui! Joyeux anniversaire. Le 11, pas aujourd'hui. Ben, j'aime mieux te le dire tout de suite. Mais venez au prochain. On va s'amuser tout le monde ensemble, comme on fait ce soir. Merci d'être là, public. Ben oui, merci à tout le monde d'être là. Merci aux cracheurs de feu, aux mascottes. Aux équilibristes qui sont vraiment impressionnants. Et aux quatre Lise Dion qui sont assises au bar. Oui, merci. Est-ce que vous vous régalez dans le homard? Oui, parfait. Ouais. C'est en feu, en feu. Mais attaquons-nous à ce problème cette semaine qui nous vient d'une femme qui a profité du compte Facebook de son chum pour nous écrire. Hey. Je crois. Oui, faut être croche. Elle avait long à dire. Elle avait vraiment long à dire. Ça, c'est un des problèmes qu'elle nous a envoyé. On salue. Bonjour, madame. Je sais pas si je l'appelle Dan ou... Je ne me rappelle plus. Attends, je vais aller voir. Oui, c'est quoi son nom? Est-ce qu'on a un nom? C'est anonyme. Attends, je vais aller chercher. Mais tu peux commencer à faire la lecture. OK, si je vais commencer et je vais peut-être finir demain, si tout va bien, parce que c'est vraiment très long. Mais on apprécie le fait que vous nous envoyez... des problèmes. Continue. Je vais lire ça. Oui. On apprécie que vous nous envoyez des problèmes, bien sûr. Moins long, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Long comme vous voulez. Alors, j'y vais. Ça va comme suit. Moi, je suis en Gaspésie Et parlant de crise opportunité, pourquoi pas une tournée de pas de problème dans nos belles petites salles pour vos fans éloignés? Ça pourrait marcher, qui sait? Et tiens, tant qu'à faire un autre problème, nous avons un enfant unique, un beau gosse de 9 ans, drôle, intelligent, allumé, sociable, etc. que nous adorons et qui nous comble de bonheur. Quoi répondre pour clouer le bec aux gens qui disent des mythes du genre « il en faut deux ». Il en faut deux. Il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer. Il est trop gâté. Oh, il va être trop gâté. Enfin, qui nous font penser comme s'il manque quelque chose alors qu'à trois, on a bien du fun. Oh, mais ça. On avait essayé pour un deuxième, mais ça n'a juste pas marché. Mais c'est pas parce qu'on se disait que notre famille aurait eu un manque, sinon... Car notre beau garçon en santé est tout un privilège. C'est sûr. C'est drôle comment les gens se concentrent toujours, c'est ça, se concentrent toujours sur ce qui manque à leur sens, à eux. Tout bien sûr, comme si la plupart des gens aiment se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas au lieu de ce qu'ils ont. Ouais. Comme les nouvelles à la TV, toujours négatif ou presque. Hey, hein. Sauf la GM. Écoutez, il reste juste deux pages. Moi, je sais qu'en étant unique, mon fils profite aussi de plusieurs avantages. Évidemment. Et je ne parle pas de biens matériels. Et c'est la plus belle relation humaine que j'ai. Je l'adore, même quand il me pète une crise. Pétard. Bon, je sais que j'ai trop écrit. Je sais que j'ai trop écrit et pas résumé. Désolé, j'adore votre travail et je souhaite que ça continue. Si vous vous amusez en le faisant, Dan de la Gaspésie. Voilà, Dan de la Gaspésie. Dan. Prends le compte de son chum, Simon. Attendez, j'ai pas fini. Hein. C'est juste, non, c'est pas vrai. Ensuite, ça j'aimerais dire... Ah, Mathieu. Oui. Hey, ce, mais oui. On résume ça à comment clouer le bec aux gens qui disent qu'il en faut deux. Qu'il faut deux enfants. Il faut deux enfants. Ben oui. Puis, ça tombe bien, Sophie. T'as juste une fille, toi. Oui, oui. À ma connaissance. Moins que, t'sais... À ma connaissance, je n'ai qu'une fille. À moins que j'aille accoucher à un moment secrète, donné, puis que je m'en souvienne pas. Là. Par surprise. Mais j'ai eu des moments dans ma vie de blackout. Oui. Que t'as accouché des choses. J'ai eu des blackouts de 9 mois. Fait que ça se pourrait que j'aille accoucher à ce moment-là, mais là, je ne sais pas. Mais j'en ai une de connue. Ah oui? Oui. Oui. J'ai eu une elle enfant est, de connue. Elle est très gentille. Elle est très gentille. Et oui. On la salue. Des fois, mais elle ne peut rock. Pas venir ici. Oui. Parce que j'ai l'impression. OK. Mathieu. Oui. Tu avais quelques informations par rapport à ça? Écoute, j'ai épluché des dossiers mystères pour tout trouver sur les familles qui n'ont qu'un enfant versus deux enfants. Ce que j'ai trouvé comme statistique effarante. Moi, j'avais trouvé aussi. C'est que 45 % des familles au Québec aujourd'hui ne comptent qu'un seul enfant. Hey! Mais j'ai la même statistique que toi en cherchant sur Internet, mais ça date de Statistique Canada de 1996. Moi, j'ai 2011. Oh! Oh, puis 2011, ça dit quoi? 46%. Vois-tu, Mathieu, t'étais dans l'erreur! Wow! Un enfant, 38%, 2, 14,9, 3. Notez ce petit pourcent-là, là, c'est ça qui va faire qu'on va avoir une baisse de cote d'écoute, pas de problème. Hey, ta petite attitude d'enfant gâté, là. Oui, je suis enfant unique, ah hein, Mathieu. Ah ah, voilà. Bon, non, pour... j'ai recherché auprès de psychologues qui m'ont dit quels étaient les atouts dans une famille d'avoir un enfant unique. C'est qu'il a toute l'attention, pas de compétition, autonome, responsable, il a plus de temps et d'argent de ses parents, ils se font plus trimballer quand ils sont petits, donc ils se font plus stimuler, et ils ont une estime de soi bonne. Bonne. Ça, ce sont les termes scientifiques de 1000 psychologues. Et les inconvénients seraient... les. Oui, je garde hey, des heures et des heures. Les inconvénients seraient... T'as pogné ça à la guerre des clans, oui. Ces sondages-là? Estime de soi bonne. Nous avons sondé 100 personnes. C'est complètement ça. Oui. Les inconvénients seraient que les parents ont parfois des attentes à combler par un seul enfant. Donc, ils veulent à la fois qu'il soit comme bon au hockey, première danseuse de ballet et voilà. Premier violon. Premier violon. Ah oui. Au ballet. Au ballet. Un sentiment de solitude... Ah ouais. T'as-tu vécu ça, toi? Moi, comme enfant unique, j'ai jamais vécu de sentiment de solitude parce que quand t'es jeune, tu t'amuses très bien avec ton imagination, j'ai l'impression. Non, mais moi, c'est vrai, j'étais tout seul, je me rappelle, j'étais tout seul devant mon miroir et je me faisais des personnages. On a d'autres enfants uniques dans la salle, hein, je pense. Et il jouait avec son imagination. Il jouait avec mon imagination. C'est ça. Devant et... Internet. Oui, en et puis non, je me suis jamais vraiment senti seul. Quoique, avec le recul, je me dis, j'aurais aimé ça, avoir un frère et sœur, parce que quand j'avais un petit cadeau à Noël, un jeu, j'avais personne pour jouer avec moi. J'avais des parents, mais ils jouaient 5 minutes avec moi, puis après ça, ils disaient... C'est bon, ah, c'est ça l'affaire. Mais je me suis jamais senti seul. En fait, le truc avec un enfant unique, c'est de pas y acheter des jeux de société. C'est vraiment un bon point. Mais non, mais si tu fais ça, faut que tu... T'achètes un iPod Touch. Mais peut-être que tu l'aides à avoir des amis si tu achètes des jeux de société. Oui, mais les amis, ils s'en foutent des jeux de société de toute façon. Ouais. Sont toutes autour d'un ordinateur. Ah oui? Oui. C'est ça, les jeunes aujourd'hui. Oui, c'est ça, les jeunes aujourd'hui. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Sophie. La race ingrate. Race ingrate. C'est vrai parce que le jeu de société, quand tu le reçois en cadeau, tu veux jouer là. C'est ça. Fait que quand t'as un frère ou une sœur, j'imagine qu'il peut jouer avec toi là, mais... Tu sais, tu le réserves pour la fête d'enfant. Parce qu'à la fête d'enfant, d'habitude, on invite les amis de l'enfant. Donc, on y achète un jeu de société. Puis là, « Oh, les amis, jouez tous ensemble! » Fait que tu sais, c'est le fun. T'es pas obligé de jouer à jour de paye pendant 4 heures de temps. C'est les petits amis qui s'en chargent. C'est comme quand j'ai acheté à ta fille, tu sais, quand elle avait l'âge de 6-7 ans, le jeu Sexy Folie. Écoute, ça a pogné. Hey, les petites, ils jouent à ça, là. Hey. Et tabarouette. Tu as dit qu'on a ramassé des petites bobettes. Allez voir la... Allez voir le Tumblr. Et pour finaliser ma recherche exhaustive sur le phénomène, j'ai répertorié des familles à 2 enfants célèbres, donc notamment Canel et Pruneau. Oui, c'est vrai. Éric et Hugo Lapointe, Cain et Abel, et finalement les 4 filles du Dr. March, parce que moi, j'ai jamais reconnu l'existence de Beth et Amy dans cette famille-là. Ah, c'est ça. Je n'ai pas accepté ça. Oui, mais en fait, la question, c'est comment clouer le bec aux familles qui en ont deux. Non, aux gens qui disent non, ça t'en prend un autre. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as des familles d'enfants uniques célèbres ou des enfants uniques célèbres? Oui, le père de Richie Rich. Ouais. C'est vrai. Oui. Dans Maman, j'ai raté l'avion, le seul vrai enfant, c'est Macaulay Culkin. Ouais. Les autres étaient tous des hologrammes. Non, c'est Jim. Ah non, il y a son frère Buzz, c'est vrai. Oui, spoiler alert, oui. Oui. Mais moi, je me lance dans des solutions. Messieurs, dames, avoir une bédaine fake, hein? Quand tu sors en public... T'es toujours enceinte. Oui, ça cloue le bec. Ça, c'est extraordinaire dans le métro. Oh, ah oui? Oui, parce que là, t'as toujours quelqu'un un peu mal à l'aise qui te laisse sa place. Madame, ça fait 8 ans qu'elle est enceinte. Oui. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais mis mon sac à dos, je sais pas pourquoi, je l'avais mis devant et j'ai fermé mon manteau par-dessus par hasard. Et ça faisait comme si j'étais enceinte et je me suis aperçue que quelqu'un m'a laissé sa place pensant que j'étais enceinte. Alors, c'est un truc qui marche. Mais ça marche pas quand t'es avec un bébé et un carrosse. Ah non? Là, ils te laissent pas leur place. Ils font mal. Le bébé est confortable. C'est ça. C'est, tant qu'il est dans le ventre, c'est correct. Quand il est plus dans le ventre, là, oublie ça, il y a plus personne qui a pitié de toi. Moi, je trouvais dans les... ce que je trouve, en fait, c'est que souvent, quand on à partir du moment où la femme tombe enceinte, là, c'est comme si elle n'avait plus de vie privée. Elle n'a plus le droit de décider rien. Tout le monde y va de son conseil et tout le monde pense que son conseil est le meilleur conseil au monde. « Ah, t'as mal au cœur. Mange des biscuits soda. Ah, t'as mal au cœur. Nanana, moi, j'ai fait ça. Et là, t'as comme plus... T'existes plus. Le monde, il s'en fout de ce que tu penses. Fait qu'il faut déjà penser ça en partant. Alors là, quand t'as un enfant, quand t'as un bébé, c'est pire. Là, t'as des madames que tu connais pas qui vont y jouer d'en face ou qui vont l'abrier parce qu'ils trouvent que le bébé a froid. Hey, ça m'est arrivé. Il y a un vieux monsieur, on passait là, au parc, il y a un vieux monsieur qui a essayé de toucher mon gars. Oui, mais c'est ça. Je voulais le frapper. C'est ça. J'ai... Hey, commence par y parler déjà, tu sais. Non, il est juste comme... un peu zombie. Là, un vieux monsieur ou un sans-abri? Un vieux monsieur. OK. Peut-être sans-abri. Non, mais je sais pas, mais... Puis la veille, je l'avais vu essayer de toucher l'enfant d'un autre. C'est peut-être le père légitime de ton enfant, Fred. Oui. C'est toujours douteux. Ça, pour ce les gars, c'est difficile. Ce gars-là a trop ma shape pour que soit... Fait que, il faut déjà... Je pense qu'enceinte, il faut que tu commences à t'armer. Moi, j'aime beaucoup le... Il y a une technique que j'aime beaucoup, mais ça bloque, ça boucle pas le bec de personne. Mais c'est une technique, d'ailleurs, que j'essaie d'apprendre à ma fille parce que elle a un peu de difficulté avec l'autorité, des fois. Elle répond, tu sais, elle est prompte. Et je sais pas où est-ce qu'elle a pogné ça. Et donc, j'essaie d'y montrer qu'il y a des gens avec qui tu peux pas discuter. Tu sais, eux, ils ont une idée de quelque chose et tu peux pas les convaincre. Je suis pas d'accord. Tu vois? Je suis pas d'accord. Alors, au lieu de dire « t'es pas d'accord », pas d'accord, tu dis « mm-hmm, oui, oui, oui, oui », jusqu'à ce que ça finisse. Jusqu'à temps que ça fasse une toune. Oui, oui, so bad, bad boy, can you see it? Tu vois, du François Pérusse. Et voilà. Et jusqu'à temps que la conversation finisse, tu dis « ah oui, oui, ah, ben oui, deux enfants, ben oui, c'est vrai que c'est mieux. Ah, t'as bien raison. OK, cool. Mais hey, faut que j'aille prendre l'autobus. » Fait que là, tu sacs ton camp. Puis le soir, tu flushes la personne sur Facebook. Exactement. Voilà. Exactement. Puis tu parles dans son dos. Ce que je pense qu'elle mérite. Il y a ça dans les solutions, moi, je trouve. Hey, avez-vous vu dans les journaux la petite fille de 1 an qui était enceinte? Oui, c'est-tu vrai, ça? C'est sorti aujourd'hui, je pense. Non, non, mais dans le fond, c'est pas qu'elle a été touchée, rien. C'est qu'elle avait un jumeau parasite dans le ventre de sa propre mère qui s'est logé dans le ventre de sa sœur. Ben, en fait. Quelle horreur! Mais ça, ça a dû clouer le bec à plusieurs. Mais... Le sien en premier, parce que, m'a dit, ça doit être quelque chose. Mais c'est quoi? Sinon, littéralement, on pourrait lui clouer le bec, je pense. C'est une petite technique, là. Veux-tu m'embrasser au-dessus de ce 2x4-là? Et quand elle s'avance les lèvres, bon clou, là. Moi, j'ai toujours mon gun à clou dans ma sacoche. Clic, et puis voilà, clouer le bec. Voilà. Oui. Mais moi, c'est aussi ça, pas de problème. Il y a aussi le bon vieux « mêle-toi donc de tes affaires ». Ça, ça cloue le moi, bec, ça. Je l'aime bien, celle-là. Ouais. Franchement, mêle-toi de tes affaires. Bye-bye. Oh, et où t'affermes-tu ta gueule? T'affermes-tu ta gueule? Ça cloue le bec. Ou la technique des jeunes « parle à ma main ». Ça, c'est beau. Oui. Fait que là, ils font « hein? » T'es jeune de 96, tu veux dire. Je pense que ça, c'était « Save by the bell » ou quelque chose non, genre. Non, ma fille, elle dit ça. Ah oui? Oui, oui, ça dit encore ça dans le cours d'école. « Parle à ma main. Bon, » yeah. Fait que tu te sens tout à coup dans un sitcom américain, puis ils font « hein? » puis ils en vont. Ouais. Puis tu sais, si la personne se permet de juger ton nombre d'enfants, ben, tu peux bien juger sa vie à elle. Là, oui, on a eu un enfant, puis toi, tu putes la gueule. Yeah! Wow! Mais ça, pour que ça soit vrai, par exemple. Ça cloue parce le bec. Que si c'est pas vrai, avec un... Mais j'aime non. ça. Non, mais moi. Ça lui cloue le bec, littéralement aussi, bec, là. Mais créer le malaise, justement, de faire « Ah, ça t'en prendrait un deuxième. » Il faut qu'il se... Puis là, tu fais... Juste un instant, François. Il lève sa main. Il est tellement poli. Oh! Notre invité de la semaine passée est resté une semaine de temps au passage. Oui. Mais, il fait pitié, il non, mais je vais dire ma solution après. Vas-y, François. Mais c'est ça, oui, c'était dans mes arguments de dire, tu sais... Ben, c'est ça que je voulais, moi, en fait, dire, oui, on en a un deuxième, il est dans le grenier, on n'en a pas parlé à personne. Comme Claude François. Quoi? Claude François, il a fait ça. Hein? Il a eu des jumeaux. Quoi? C'est même pas une... Non, c'est pas des jumeaux. Il a eu 2 enfants. Puis le premier, il était hyper médiatisé. Et le deuxième, il le cachait. Il l'a caché, le deuxième, ça a pris... le petit gars, il avait 5 ans quand il a 5 ans, hein, c'est ça? Mais il cachait des médias ou il cachait? Il avait 5 ans quand il a dit aux médias qu'il avait un deuxième enfant. Le petit gars avait déjà 5 ans. Tu le vois dans le film Clo-Clo, c'est vraiment intéressant. Il y a comme une grosse fête dans le cours puis tout. Puis le petit bonhomme, il est pogné dans sa... Bon, c'est une énorme mais chance. Mais ressembles-tu au gars dans les Goonies, là? Tu sais que... <C'est>... Comment il s'appelle? Non, Choco. Choco. Choco, c'est le lui qui est ami avec ce monstre-là. Snug! Snug! Merci! Qui aime les barres de je chocolat. Sais pas, okay. Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais oui, tu peux parler d'un deuxième enfant qui est enfermé ou, tu sais, qui est... J'ai l'enfant de Claude François. J'ai l'enfant de Claude François. Nous, ça nous fait penser forcément au frère Evil Twin de Bart Simpson, qui est dans le grenier. Oh oui! Oui, tu sais, c'est ça. On en a un deuxième, mais il est possédé du démon. On peut pas le sortir. Oui. Viens-tu prendre un café à la maison? Tu sais, ça peut être intéressant aussi. Ou le bon... Moi, celui que j'utilise, qui est quand même un peu vrai dans ma vie, c'est, ben j'aurais bien aimé ça, mais j'ai pas eu le temps, je me suis séparée avant. Ça cloue le bec. Ça cloue le bec. Assez solide. Ben oui, crée le malaise. Je pense qu'on a un filon, oui, mais là. Justement, ou Dan... tu peux dire, oui, je voulais essayer, mais mon chum, il a essayé avec une autre fille. Tu sais, des trucs comme ça. Mais Dan... là, la personne fait... Oh. Elle nous écrit sur le compte de son chum, mais elle peut peut-être en profiter pour faire... Ouais, c'est parce qu'on va peut-être se séparer bientôt. C'est ça, tu sais, oui, oh, j'aimerais ça, mais là, ça va vraiment pas bien. Mon chum, il dort à l'hôtel en ce moment. Là, tu te mets un peu à vouloir pleurer. Et les gens, quand t'es pas bien dans la vie, ils sont pas bien eux-mêmes et ils s'en vont. Fait que il y a ça. Ou tu dis, ben, parce que je suis enceinte. Ben non, mais c'est là, ça, là, la fausse banane. Ben oui, je t'en ou tu dis juste, non, c'est mon deuxième. Le premier, c'est lui avec qui j'ai eu l'enfant. Ah! Ou ça, encore, non, c'est mon deuxième. Le premier, il est mort. Et là, ça fait vraiment un beau fret. Ou ben non, ça pourrait être, hey, moi, je voudrais en avoir un deuxième enfant, mais tu sais, ma chum s'est ouvert une clinique d'avortement, puis tu sais... J'ai voulu l'encourager. Je me sens obligé de l'encourager. Oui, il y a ça. Ou tu te mets à faire une explication avec beaucoup trop de détails et beaucoup trop longue, ce qui va emmerder ton interlocuteur. Ah, oui. Il va juste avoir envie de s'en aller, tu sais. Ah ben oui, on a pensé en faire un deuxième. Mais non, on s'est dit, on va attendre 2 ans. C'était-tu un lundi qu'on a parlé de ça? Ah oui, c'était un lundi. Je me souviens, j'avais fait l'épicerie la veille. Oh, j'avais acheté un beau steak. En tout cas, on mangeait notre beau steak. Puis là, tu sais, oui, le steak Léolo. Oui, c'est le steak Léolo. Avec 33% plus de protéines. Oui. Plus de protéines. Oh là là. Mais tu sais, tu mets beaucoup trop de détails dans ta phrase pour l'attention de la personne qui a juste envie que la phrase finisse et s'en aller. Donc, ça aide. Trop parler, toujours des bon. Fois, c'est comme pas assez, tu sais. C'est vrai. Ou tu le regardes puis tu pleures. Oui. C'est bien mieux de faire un deuxième enfant, tu fais... Tu t'en vas, tu cours. La personne c'est te parfait. Court après, tu fais non, non. Comme ça, elle vient mal à l'aise. En 2100, on prévoit qu'on va être 10 milliards d'individus sur la planète. Bon, là, je pense que la surpopulation de la planète est quelque chose qui est problématique aux yeux de plusieurs scientifiques. Donc, peut-être de prétexter ça, de dire « Non, j'en ai pas d'autres. Là, faut que je fasse ma part quand même. Ouais. Si tout le monde faisait 2 enfants, on... » C'est l'avenir de l'humanité qui en dépend. Ah ouais. Regarde les Chinois! Ouais. Donc, Dan de Gaspésie peut dire « Hey, c'est pas moi qui vais surpeupler Saint-Anne-des-Monts, certains. » Oui, c'est... Elle peut dire ça. Elle peut dire ça. Mais investir dans le petit dummy, là, le petit mannequin de 4 ans, à peu près, que tu me laisses dans ta fenêtre de maison où tu le traînes, tu le laisses dans le char, là, tu fais « Ouais, j'en ai un deuxième, regarde! » Un petit demi qui bouge pas dans le char. Ou... Ah oui! Ah, puis là, ça fait comme fait si juste t'es peur. Fou un oui, peu, c'est t'es ça. Peurant. Ouais. Ou une marionnette, juste investir dans une marionnette. Faire, ben, j'en ai mon deuxième enfant. Ça va bien! Ou un genre de Pinocchio, puis dire, ben, on a un, tu sais, bientôt, il va être un véritable petit garçon. Il y avait des propositions dans la salle. Oui, tu peux dire que quand on a juste un, au moins, t'auras jamais de fratricide. Ça, tu peux prévenir de ça. Oh! Prévenir le fratricide. Très bon. Mon Dieu, je suis même pas capable de dire ce mot-là. Oui. Fait que je l'utiliserai pas. Donc, t'es oui, mieux de faire un deuxième bravo. Enfant pour pas... Ah non, tu vas l'utiliser non, pareil, c'est le mot. Ça. Ouais. Je suis mieux de... Tu comprends? Ouais. Je fais pas d'enfant. Ben non. Ben là, trop tard. Trop tard. T'as mentionné l'idée de la marionnette. Moi, je suis là, une marionnette vraiment comme entièrement en robeur, tu sais. J'ai rendu la flaque au discours. Oh! Fait que quand les gens voient ça, comme... Cette personne-là ne devrait pas avoir plus d'enfants, c'est clair. C'est ça. Ils vont peut-être même appeler les autorités pour enlever ton enfant, c'est déjà. Ah oui, puis il y a ça aussi comme argument que tu peux, tu sais, la marionnette que la personne n'a pas l'air d'un bon parent, mais tu peux aussi utiliser ça en disant, ben écoute, c'est déjà mon premier, c'est juste un accident, je le voulais pas, je l'aime pas, j'aime pas les enfants, je l'haïs, je l'endure jusqu'à temps qu'elle ait 18 ans, je la sac dehors, fait que là, parle-moi pas d'avoir un deuxième enfant, et là, la personne, je pense qu'elle aurait le bec cloué. Le bec cloué. Ça cloue le bec, ça. Hein? C'est tous des bons arguments. Oui, ça cloue le bec complètement. Ça cloue le bec complètement. Oui. Mais là, ça dépend si la madame, si Dan de Gaspésie est absolument franche dans la vie et doit dire la vérité. Là, peut-être que, tu sais, il faut attends, falloir... C'est à elle de choisir ses solutions. Après, c'est nous autres, ça. On offre oui, ça gratuitement. Ah, oh, c'est ça. Oui. Ben oui. Fred, j'ai une idée d'un même genre de mauvais parent. C'est que si tu parles une game du jeu Les Sims, mais t'es pas bon avec tes Sims. C'est comme ça quand les gens ils disent, hey, t'as pourquoi t'as pas deux enfants, mais je suis pas bon avec tes Sims et un enfant, mais j'ai une avec deux enfants. Mon bébé est en feu! Plus les chiens, c'est pas très bon, ils sont bladder. Fait que là, ils disent. T'as un screenshot de tes Sims tout le temps à montrer à quelqu'un. Oui, c'est ça, mais t'es peut-être prête. Ou tu y réponds, en Sims. Parfait. Je suis tellement pas de parler. Oui, non, je suis moins familier. Dans les jeux vidéo, la guilde de World of Warcraft souffre trop depuis j'en ai un. Imagine, donc. Voilà. Et là, on te retire ton premier. Mathieu, as-tu des slogans pour... oui. Tu peux dire le premier m'a déjà scrappé les boules. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça se on a notre championne de problèmes, Stéphanie, oui. Qui a quelque chose à nous proposer. Ah, c'est bon. En s'étirant les yeux. C'est vrai. Puis en faisant des L au lieu des R. Oui, des L au lieu des R. Oui. C'est rien de cliché, là. Je n'ai pas c'est pas le fait que je suis une Chinoise et je ne peux pas faire les d'autres langues. Ça, l'enfant. Ça passe bien. Mais oui. Ça marche toujours. Passeport chinois, puis c'est une technicalité. Genre, c'est quand un passeport chinois, il faut qu'elle se plie à ces lois-là. Fait qu'elle a pas ouais. C'est sûr. Et sur Twitter, il y a... mon frère, qui écrit « En ayant des jumeaux après avoir eu le premier », oui, c'est ça. Donc, t'en ah, as... ben oui, quand t'as des jumeaux, par exemple, là, c'est une autre histoire. Ouais. C'est son cas. C'est ça, c'est deux. Ouais, t'as pas bien le choix d'en avoir deux. Là. Ouais. Non, c'est ça. Là, ça fait qu'il y en a plus que deux. C'est difficile, tu sais, d'en choisir un et de le laisser l'autre à l'hôpital. Mais mon frère l'a fait. Ouais. Ouais. Non, en fait, il l'a mis dans un panier puis il l'a mis dans la rivière. Ah... Comme si c'était cute. Ben oui, sinon, ça peut en être une, ça, dire non, non, j'en ai pas du tout d'enfant. Celui que j'ai là, je l'ai kidnappé quand il était jeune. Je suis pas une mère, je suis une voleuse. Mon deuxième, je l'ai donné à Dieu pour la moisson. Je l'ai sacrifié, ouais. Ah oui. C'est pas mon enfant. Que... Ou tu fais, ben oui, je pourrais avoir un deuxième enfant, je pourrais être mère porteuse pour toi, si tu veux. Tu sais, comme ça, la personne est prise avec le problème. Ou tu fais, moi, je peux pas en avoir, mais toi. Tu pourrais-tu être ma mère porteuse? Puis là, à la fin, tu fais, hey, j'ai changé d'idée. Ça, c'est bon. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on dit, moi, ce que je trouve bizarre de cette affaire-là, c'est de dire que ça prend deux enfants. Pourquoi pas trois? Pourquoi pas quatre? Ben, je pense que c'est au moins deux. On dirait que rendu... Ben, il y a comme une espèce de... Qu'est-ce que... Qui, c'est au moins deux, hein? Ouais, attends, je vais relire le problème. Je vais relire le problème au complet. Ça, là, je vous reviens à Noël. Oui. Non, non, mais c'est... Limite, il en faut deux, il va s'ennuyer. Mais tu sais, j'imagine que c'est deux et plus. Ouais. Bon, dans ma tête, je le voyais de même. OK, parce que je trouve que... Non, mais je trouve qu'on parle pas beaucoup non plus des parents qui décident d'en avoir trois, d'en avoir quatre. J'ai un ami qui a annoncé dernièrement que sa blonde est enceinte de son cinquième enfant. Tabarnouche. Jamais vu, hein, quasiment. Ça s'est mis en ligne deux fois qu'elle va distribuer les ovaires. Ah oui, ce moment-là. Qu'est-ce que j'avais, moi, cette fois-là, déjà? Ah oui, j'avais pas. Mais tu sais, il va falloir que les gens aussi s'habituent à ce qu'il y ait de plus en plus, ben il y a de plus en plus un enfant, mais encore plus parce que j'ai l'impression qu'on commence à faire des enfants de plus en plus vieux. Mmh. Alors, l'idée d'en avoir un deuxième quand tu es déjà dans la trentaine puis que tu as passé à travers le premier, que c'est plus difficile. Tu sais, quand tu as 20 ans, c'est plus facile de ne pas dormir d'une nuit. Quand tu es dans la trentaine, ça devient plus difficile. C'est ça. Fait que, tu sais, tu y repenses, tu sais, t'avances en âge, puis là, ben il y a les risques aussi de la femme enceinte d'avoir un enfant avec des chromosomes en moins, des trucs comme ça. Donc, ah oui, c'est vrai, plus tu vieillis, moins t'as de chromosomes. Moins t'as de chromosomes. Plus qu'il y a de risques d'avoir... plus il y a de risques. Alors, tu sais, j'ai-tu envie de me faire un amniocentèse, tu sais, toutes ces affaires-là. Faut y penser. Absolument. C'est toutes des choses que les gens pensent pas. Ils disent, deux enfants... Mais il faut les amener à réfléchir. Ça, c'est une solution aussi. Puis il y a le bon vieux « ta gueule ».« Ta Ta gel. Ça se dit bien en Gaspésie. Ouais, c'est ça. Ta gel. Mais moi, mêle-toi donc tes affaires. Ça, je trouve, c'est assez bien. Va pêcher ton poisson. Sac-moi patience, tu sais. De quoi je me mêle? Coudon, toi, t'es-tu le curé Labelle? C'est comme un personnage. Tu vis en quelle année? Tu vis en quelle année? Je veux dire, tout le monde a un enfant. Hey. 46%. 46%. Et il y en a combien là-dedans qui sont séparés? Oh, c'est une bonne question. Hein? Ouais. C'est 50-50, hein? Ouais. Je suis allé voir. Non, non, mais il y a... Aux États-Unis, en tout cas, le mariage, c'est 50-50. Là, couple marié, couple en union libre. Famille monoparentale, 62% avec 62%. Un enfant, 28, deux enfants, 8, un an. Tu vois, on a de moins en moins le temps d'en faire un deuxième ou un troisième. Il y a 8% qui ont le temps d'en faire trois. Ouais. Bing, bing, bing. Les autres sont en avant. Avez-vous des solutions préférées, messieurs, dames? Moi, j'ai noté, en fait, toutes les solutions qui créent un malaise, qui portent la personne à changer de discussion, là. Oui. Ou de trottoir. Moi aussi, j'aime ça. Ou de trottoir. Ça, ça cloue le bec. Bon, ou de j'ai cotard, le cancer de l'utérus, là, ouais. Tu sais. Donc là, ben, c'est à décider, hein, si c'est genre mes boules sont déjà scrap, ma chum a une clinique d'avortement ou ferme ta gueule. Moi, c'est celui-là, ma chum a une clinique d'avortement. Oui, oui. Bon. Parce qu'en même temps, t'as l'air smart. Ouais. Ben oui. T'sais, tu connais Louise l'avorteuse, là? Ben c'est ma chum. C'est ma chum. Elle s'est ouverte une clinique il y a 2 mois, puis il n'y a personne qui est là. Ben, faut bien que je l'encourage. Je tombe enceinte aux 2 mois. Je vais avorter. Pauvre fille. Non, c'est ça. On a arrêté, par contre, d'acheter la pilule puis les condoms. Voilà. Ben, tu sais, t'économises là-dessus. C'est ça. Fait que tu dépenses en avortement. Oui. Ouais. Que c'est beau, la vie. Mais, Martin? Oui, moi j'irais avec « Ah oui, pourquoi j'ai pas 2 enfants? » Attends un peu, embrasse-moi donc au-dessus de ce 2x4-là. Et clac! Cloue le bec. Cloue le bec, littéralement, t'as laisse là, puis tu t'en vas. Sophie, as-tu une solution préférée? Ah, moi j'aime bien se perdre en détail et raconter trop de choses pour la voir un peu s'endormir, s'étourdir ou peut-être vomir parce que tu parles trop. Ça, c'est intéressant. Oui. Moi, celle-là, je l'aime bien. Je l'utilise souvent. Ben, essayez-les à la maison, hein, ces solutions-là, et offrez-nous vos solutions préférées. Oui, on a une solution dans la salle. Dis quelque chose comme, ah non, mais je dois les avoir aux 6 ans, c'est ma secte nazie qui me demande ça. Ah oh! Non, on peut pas le deuxième, non. Prétexter une secte, éducation. Oui. Une mauvaise éducation, c'est bien ouais. Ça. Oui. Puis après ça, ben... Hein? On a le droit d'en avoir 2? Colin, je le savais pas! Aurais-tu me le dire avant? Oui. On a le droit de faire l'amour 2 fois? Hein? Ben là, je pensais qu'on avait épuisé nos tickets d'amour. C'est pas juste à la nuit de noces qu'on fait l'amour? Ou j'en veux pas, j'ai promis mon 2e nez à une sorcière. C'est ma sorcière bien-aimée. Oui. Bien-aimée. Non, je te laisse, Mathieu, quand c'est moi qui ça. Mais si vous avez des solutions ou des solutions préférées ou des solutions à nous proposer, allez sur Facebook, nous les proposer à partir de là. Maintenant. Go! Et n'oubliez pas de voter pour les designs de T-shirts que vous préférez. Ah, hein? Oui. Vous cliquez « J'aime » et faites ça à répétition. Aussi, la semaine prochaine, nous recevons... Monsieur Jean-Philippe Plot. Yeah! Oh! Hein? C'est, oui, ça va être magnifique. On aimerait aussi remercier les passages. Le bar des passages. Yeah. Ouais, applaudissez tout. Boili Boileau. BaladoQuébec.ca. Nos confrères de podcast. Dominique Hamel qui nous prête des micros quand même. Qui nous prête son beau condensateur pour écouter notre foule. Oui, vous pouvez le suivre sur Instagram. Il montre des photos de sa bouffe, sa blonde et des micros fils. Donc c'est super. Wow. Et Mr. Dress Up qui nous aide dans notre concours de t-shirts. Mr. Dress Up, si vous voulez un t-shirt funky. Oui, ils sont le fun, les t-shirts de Mr. Dress Up. Ça vaut la peine d'aller voir. C'est ben oui, allez voir ça. Allez voir ça. Il y en a pour enfants aussi. Oui. Tu peux en acheter pour tes 2 enfants. Et si vous regardez dans les modèles... si vous regardez dans les modèles pour enfants, vous allez peut-être voir mon gars. Oh, oui. Là. Oui, oui, oui. C'est celui qui a un œil difforme. En tout cas, alors, et je vous rappelle aussi que si vous voulez faire un don à Pas de problème, juste, tu sais, comme... Venez nous donner non, de l'argent. Je sais pas, gang. Vous pouvez faire donner de l'argent cash ici aussi, là, on prend tout ça. Là. Je sais pas c'est quoi le minimum sur PayPal, mais si vous voulez faire un don funé aussi, si vous pouvez 12 scènes. Non, mais allez-y, c'est sur l'instab, pas d'apostrophe, l'instab.com. Il n'y a pas de maximum anyway. Il n'y a pas de maximum anyway. 5 ou rien. 5 ou rien. 5 ou rien. 5 ou rien. Et n'oubliez pas, sur iTunes Store, allez voter pour nous. 5 ou rien. On a 88 votes jusqu'à maintenant. Et aussi sur baladoquebec.ca, vous pouvez voter là-dessus. Oui. Mais là, il y a des qui n'ont pas voté 5. Puis, donc, hey, moi, j'en fais partie. Mais je vous dis, c'est pas évident à voter parce que t'as comme les étoiles. Et le temps que tu catches, que c'est faut que tu cliques sur les étoiles, c'est instantané, c'est pas un double clic. Là. Fait que moi, j'ai dit, hey, c'est celui-là qu'il faut cliquer. Oh, trop tard, j'avais mis 2 étoiles. Fait que. Fait que cliquez sur l'étoile qui est le plus à droite. Oui, cliquez sur l'étoile qui est le plus à droite. Ne faites pas la même erreur que moi et remontez la moyenne. Soyez à droite! Bon. Non! Ça y est. Genre, je viens de se faire l'ennemi. Mais, et en terminant, Sophie, de retour pour une 17e saison l'année prochaine à la LNI? Ben, j'espère. Ben oui. Je la doyenne! La doyenne! Écoute, on va s'occuper. Ouais, on peut l'applaudir. Ah ouais. Ah ouais. En fait, t'as le record avec Réal Bossé. Avec Réal Bossé, il me suit. On lui casse les jambes. Ben, c'est ça. Ben, c'est un autre problème. On va en parler. On va dire, viens, Réal, m'embrasser près de ce 2x4. Nous, le bec. Mathieu Bouillon? Oui? T'as-tu quelque chose à nous présenter? Non. OK. Et Martin? Ouais, moi, j'aurais de quoi vous présenter, mais... C'était 2 enfants. C'est mon 2e enfant. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai rien à présenter. Pas de ce temps-là, là, non. Et Sophie, sais-tu le mot de la fin? Tu connais-tu le mot de la fin? Vous avez un problème, nous avons un podcast! Yeah! Merci. Et on coupe...